apparaissait d'abord la page de garde, lisse et moirée blanc sur blanc, puis la page de titre, que l'on tenait pour mystérieuse. Il eût pu sans doute s'y trouver des images, semblait-il, mais il n'y en avait point. Et, bon gré mal gré, l'on devait accorder que ceci était encore dans l'ordre des choses. On était en quelque sorte dédommagé de cette déception, en trouvant un signet mince qui, friable et posé un peu de biais, touchant dans son illusion confiante d'être encore rose, était resté, Dieu sait depuis combien de temps, entre les mêmes pages. Peut-être ne s'en était-on jamais servi, et le relieur l'avait replié avec un soin pressé, sans même le regarder de près. Peut-être aussi n'était-ce pas par hasard. Il se pouvait que quelqu'un eût en ces endroits cessé de lire, qu'il ne l'eût plus jamais, que la destinée à cet instant eût frappé à sa porte pour l'occuper, et qu'il fût emporté loin de tous les livres, qui somme toute ne sont quand même pas la vie. On ne peut dire si le livre avait été ensuite encore lu. On pouvait supposer aussi qu'il s'agissait simplement de l'ouvrir à cette page-là, toujours de nouveau, et que c'était arrivé parfois, même très tard dans la nuit. Quoi qu'il en soit, j'avais peur de ces deux pages, comme d'un miroir devant lequel une personne est debout. Je ne les ai jamais lues. Je ne sais même pas si j'ai lu le livre tout entier. Il n'était pas très épais, mais on y trouvait quantité d'histoires, surtout l'après-midi. Alors il y en avait toujours une que l'on ne connaissait pas encore. Je ne me souviens que de deux, je veux dire lesquelles, la fin de Grisha Otrepchov et la chute de Charles le Téméraire. Dieu sait si elles me firent alors une impression profonde. Maintenant encore, après tant d'années, je me rappelle une description, comment le faux tsar avait été jeté parmi la foule et resta étendu 3 jours durant, déchiqueté et criblé, un masque sur le visage. Il est évident que je n'ai aucune chance de retrouver jamais ce petit livre, mais ce passage doit avoir été singulier. J'aurais envie aussi de relire le récit de la rencontre avec la mère. Il doit être senti très sûr de lui pour qu'il l'ait fait venir à Moscou. Je suis même convaincu qu'à cette époque, il avait en lui une foi si forte qu'il crut en effet convoquer sa mère. Et cette Marie Nagua, qui en étape rapide vint de son cloître indigent, n'avait-elle pas tout à gagner, si elle disait oui? Mais l'incertitude d'Otrepchov ne commença-t-elle pas lorsque cette étrangère l'eut reconnue? Je ne suis pas éloigné de croire que la force de sa transformation ait consisté à n'être plus le fils de personne. Cela, c'est finalement la force de tous les jeunes gens qui sont partis. Le peuple qui le souhaitait, sans imaginer quelqu'un de précis, ne rendait que plus libre et plus infini ses possibilités. Mais la déclaration de ma mère, même comme tromperie consciente, avait encore le pouvoir de le diminuer. Elle l'enlevait à la plénitude de son invention. Elle le condamnait à une imitation lassante. Elle le rabaissait au niveau de cet être qu'il n'était pas. Elle faisait de lui un imposteur. Et voici que venait encore cette Marina Mnigzek, qui, plus insensiblement dissolvante, le niait à sa manière, en croyant, ainsi qu'il apparut plus tard, non en lui, mais en chacun. Je ne puis, bien entendu, garantir dans quelle mesure tout ceci était pris en considération dans cette histoire. Ceci, me semble-t-il, il fallut le raconter. Mais, indépendamment de cela même, cet événement ne serait nullement vieilli. On pourrait, à présent, imaginer un conteur qui consacrerait beaucoup d'attention aux derniers instants. Il n'aurait pas tort. Ils contiennent une foule de choses. Comment, tiré du sommeil le plus intérieur, il saute à la fenêtre, et par-dessus la fenêtre, au milieu des sentinelles. Il ne peut se relever seul. Ils doivent l'aider. Sans doute la jambe est-elle cassée. Soutenu par deux de ses hommes, il sent qu'il croit encore en lui. Il se retourne, les autres aussi croient en lui. Il a presque pitié d'eux. Ces strélites géants, jusqu'à quel point les choses en sont-elles venues? Ils ont connu Ivan Grosnivs, dans toute sa réalité, et ils croient en lui. Il serait presque tenté de les tirer d'erreur, mais ouvrir la bouche serait crier. La douleur s'élance dans son pied avec fureur, et il fait si peu de cas de lui, en cet instant, qu'il ne sait plus rien que la douleur. Et puis, il n'a pas le temps. Il s'approche de lui en se poussant. Il voit le Schwitzkiz, et derrière lui, tous les autres. Bientôt, tout sera passé. Mais alors, ses gardes se referment autour de lui. Il ne l'abandonne pas, et un miracle a lieu. La foi de ces vieux hommes se propage. Tout à coup, plus personne ne veut s'avancer. Schwitzkiz, tout près d'Otrepchov, appelle désespérément vers une fenêtre d'en haut. Le faux tsar ne se retourne pas. Il sait qu'il est debout là-haut. Il comprend que le silence se fasse, un silence subi, sans transition. À présent, la voix va venir, cette voix qu'il connaît d'autrefois, cette haute voix fausse qui se force, et alors il entend la mère Tsarine qui le renie. Jusqu'ici, les choses vont d'elles-mêmes, mais à présent, je vous en prie, un conteur, car des quelques lignes qui restent à écrire, une force doit jaillir, qui dépasse toutes les contradictions. Que ce soit dit, ou non, on doit pouvoir jurer qu'entre le son de la voix et le coup de pistolet, il eut encore en lui, infiniment comprimé, la volonté et le pouvoir d'être tout. Sinon, on ne comprendrait pas l'éclat magnifique de cette conséquence. Qu'ils aient transpercé son vêtement de nuit et l'aient piqué de toutes parts, comme pour atteindre le noyau dur d'une personne, et que dans la mort encore il l'ait porté, 3 jours durant, le masque auquel il avait déjà presque renoncé. Lorsque j'y songe à présent, il me semble singulier que dans ce même livre fût contée la fin de celui qui toute sa vie durant fut un, le même, dur et inchangeable, comme un granit, et qui toujours plus lourdement pesa à ceux qui le supportaient. Il y a un portrait de lui à Dijon, mais on sait sans cela qu'il fut trapu, rablé, têtu et désespéré. Aux seules mains, on n'eût peut-être pas pensé. Ce sont des mains par trop chaudes qui voudraient toujours se rafraîchir, et qui se posent involontairement sur des objets froids, les phalanges écartées, avec de l'air entre tous les doigts. Dans ses mains, le sang pouvait se précipiter comme il vous monte à la tête. Et quand elles faisaient le point, elles étaient vraiment comme des têtes de fous, délirant d'extravagance. Il fallait des précautions incroyables pour vivre d'accord avec ce sang. Le duc était enfermé avec lui, et parfois il en avait peur. Lorsque, en soi, il le sentait tourner, rampant et sombre. À lui-même semblait terriblement étranger ce sang rapide, demi-portugais, qu'il connaissait à peine. Souvent, il avait peur que son sang ne pût l'attaquer durant son sommeil et le déchirer. Il faisait semblant de le dompter, mais il était toujours debout dans sa peur. Il n'osait jamais aimer une femme pour que son sang ne devînt pas jaloux, et le cours en était si emporté que jamais aucun vin ne franchit les lèvres du duc. Au lieu de boire, il l'apaisait par des confitures de roses. Pourtant, un jour, il but, au camp de Lausanne, lorsque sa grande somme fut perdue. Alors il était malade, et abandonné, et il but beaucoup de vin pur. Mais alors son sang dormait, durant ses dernières années vides de sens, son sang tombait parfois dans ce lourd sommeil bestial. Alors on vit combien le duc était au pouvoir de son sang, car lorsque celui-ci dormait, le duc n'était rien. Alors personne de sa suite n'avait le droit d'approcher. Il ne comprenait pas ce qu'on disait. Aux envoyés étrangers, il ne pouvait se montrer, vide et morne qu'il était. Alors il était assis et attendait que son sang s'éveillât, et le plus souvent son sang sursautait tout à coup, s'échappait de son cœur et hurlait.